Oui, si, si. Parti. Biatch, check. Trop de rappeurs font du zèle. Moi, je fais du zèle. Un pack de balles sur les ailes. Mais les gros font leur beurre sans qu'on les aide. P2O, t'as pas la douane. Malade, le RAP s'éloigne. Espérant que Skyrock le soigne. J'ai pas l'âme très pieuse, accro macadam. MC, arrête de suce, débranche la photocopieuse. En voiture bélier dans Smooth, Socrate, pilier du rap, musique live d'Aubervilliers. Pas digue, musique franche et réelle, patrimoine du ghetto, que la violence me guide. Si je dois sauver ma peau, je déploie au-dessus de la ceinture. Négro, je suis du côté obscur, bien sûr. De nature calme, je te mets sur le grill si t'es gaismer. Agis ou rêve, négro, marche ou crève, imagine. Un morceau de porc dans ton tagine. Ils veulent te déraciner, mon trésor dans la machine. Ouais, gros, je suis dans la race inférieure. Bousillé depuis la traite des négros. Trop de rappeurs font du zèle. Moi je fais du zèle, un pack de balles sur les ailes. Mes négros font leur beurre sans qu'on les aide. Certaines se font fourrer sans qu'on les aime. Si, si, le bal après, le bal après. Check, check. 92 Basse tête.